Pendant la nuit, nouvel incendie de la ville. Il y eut plus de maisons brûlées qu'il y en a dans les trois plus grandes cités du royaume de France. Cette nuit passa, et le jour vint, qui était le mardi matin. Alors, dans le camp, tous s'armèrent, chevaliers et sergents, et chacun rejoignit son corps. En quittant leur cantonnement, ils pensaient se heurter à des troupes plus nombreuses que la veille, car ils ne savaient pas du tout que l'empereur se fût enfui la nuit. Or, ils ne trouvèrent personne devant eux. Le marquis Boniface de Montferrat chevaucha tout le long de la mer, droit vers Bouchelion, et quand il y arriva, le palais lui fut rendu, avec la vie sauve, pour ce qui était dedans. Là fut retrouvée la plupart des hautes dames qui s'étaient réfugiées dans ce château. On y trouva en effet la sœur du roi de France, qui avait été impératrice, et la sœur du roi de Hongrie, qu'il avait été également, et beaucoup d'autres dames. Quant au trésor qui était en ce palais, les mots ne sauraient le décrire, car il y avait tant de richesses que c'était sans fin ni mesure. Tout comme ce palais fut rendu au comte Boniface de Montferrat, celui de Blaquerne le fut à Henri, frère du comte Baudouin de Flandre, avec la vie sauve pour ce qui était dedans. Là aussi se trouvait un trésor énorme, car il n'était pas moindre que celui de Bouchelion. Chacun garnit de ses gens le château qui lui avait été rendu et fit garder le trésor. Les autres, qui s'étaient répandus à travers la ville, ramassèrent aussi beaucoup de butin, et le butin gagné fut si grand que nul ne vous en saurait faire le compte. Or et argent, vaisselle et pierres précieuses, satin et droits de soie, vêtements de verre, petits gris, hermine, et tous les biens de prix qu'on n'ait jamais trouvés sur terre. Et Geoffroy de Villehardouin, maréchal de Champagne, se porte garant, à bon escient et en vérité, que depuis la création du monde, jamais on ne fit tant de butin dans une ville.